comprends, écouter ce que les grands me disent, à me dire sois un grand et évite les bêtises. Évite la gourmandise, l'argent c'est le pouvoir et c'est trop dur à avoir. Passe mon temps à réfléchir à mon avenir, pour l'avenir passé. Je me rends compte qu'un jour, je suis fond d'un foyer, ça fait grailler et payer un loyer. Passe pas mon temps à jouer au héros, j'évite de passer pour un blaireau. Y'en a qu'on la tête, c'est grosse qu'une pastèque, à force de flégon et à jouer les bouffons. Passe mon temps à délirer, teaser, parfois fumer. On m'a dit que c'est quand t'es jeune qu'il faut en profiter. Résultat, certains d'entre nous se sont fait choper. Et une fois relâchés, ne pense qu'à recommencer. Passe mon temps à rêver d'une belle vie, trouver une belle rapide. Il y a trop de meufs qui jouent les wesh, trop de suceuses qui jouent du sexe. Et donc trouver la bonne là-dedans, ça devient complexe. Passe mon temps entre une vie normale et une vie instable, entre les études et traîner dehors, même que le froid est rude. J'hésite entre faire de l'argent légalement ou vendre de la cam plus facilement. Passe mon temps à écrire des morceaux, les rapper, les mixer pour en faire des sons et les faire tourner. Le rap c'est comme mon dévouloir et parfois j'écris même jusqu'à tard le soir. Passe mon temps à traîner avec les potos, on fait les 400 coups, tu verrais arracher toute la journée. On se tape des délires sans se faire cramer. Mon équipe je te préviens, viens pas tester, tout c'est clair que tu vas le regretter. Passe mon temps à des mal à télé, information, émission et meurtre en série. La télé branchée sur lecture répétée. Je suis journaliste de mon quartier. J'écris les faits et jette du haut de ma fenêtre. Je vois tel et un tel se faire prendre en levrette. Passe mon temps à déménager. Je défais jamais mes bagages, j'ai plusieurs pieds à terre. Entre le lycée, mon père et ma mère. Ma vie est partagée et je t'avoue que des fois c'est dur de s'y retrouver. Passe mon temps à être gentil, à être méchant. Des fois je t'avoue que je suis obligé de me contrôler pour ne pas exploser. J'ai deux facettes, en j'ai des mots. Mais t'inquiète que rien ne m'arrête et m'empêche de t'aimer. Passe mon temps à me demander si ce monde sera un jour de tournée. Si les gens un jour changeront de mentalité, que la vie soit comme dans les contes de fées. Mais je ne fais que rêver, car dans cette réalité, on va tous en baver. Mais moi, jamais, jamais, je ne cesserai de rapper.